Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, les années 80 au cinéma. Il y a trois choses importantes en histoire. Premièrement, le nombre. Deuxièmement, le nombre. Et troisièmement, le nombre. Ça veut dire, par exemple, que les Noirs sud-africains finiront certainement un jour par gagner. Alors que les Noirs nord-américains n'arriveront probablement jamais à s'en sortir. Quel formidable extrait pour ouvrir cette Aujourd'hui d'histoire consacrée aux années 80 au cinéma. C'est en 1986 que Denis Arcand réalise Le déclin de l'Empire américain. L'année suivante, en 1987, Jean-Claude Lauzon signe Un zoo la nuit. Le cinéma québécois vit à ce moment-là une véritable explosion à la fin des années 80. Aux États-Unis, les années 80 sont celles évidemment de Steven Spielberg, avec sa trilogie des Indiana Jones, avec son inoubliable E.T. Et en France, François Truffaut réalise Le dernier métro, ce film qui réunit deux monstres sacrés du grand écran, Catherine Deneuve et Gérard Depardieu. Ce sera le plus grand succès de toute la carrière de Truffaut. Ce film-là va récolter un total de 10 Césars. La parole de l'Europe, c'est Paris, Texas. Ça doit te paraître plutôt étrange, non? Est-ce que tu te rends compte que je ne te vois pas et que toi tu me vois? Aucune importance. S'il y a quelque chose dont tu désires parler, je t'écouterai. Ça te va? Ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor. Les années 80 au cinéma, c'est aussi ce que vous venez d'entendre, l'immense Paris, Texas de Wim Wenders, Palme d'Or à Cannes en 1984. Paris, Texas, Wim Wenders, qui aurait aussi pu faire partie de cette émission sur les années 80 au cinéma. Paris, Texas, d'ailleurs, qu'adorait le réalisateur Jean-Claude Lauzon, dont on va parler au cours de cette émission. Pour survoler ensemble cette décennie des années 80 au cinéma, trois invités, Renaud Mirois, animateur à notre radio de l'émission Culture Club, éternel amoureux du cinéma. Oui. Bonjour, René. Allô. On va parler de Steven Spielberg avec vous. La journaliste Nathalie Petrovski, avec qui on va parler du réalisateur Jean-Claude Lauzon, qu'elle a bien connu. Bonjour, Nathalie Petrovski. Bonjour. Et puis André Lavoie, un habitué de l'émission, critique de cinéma au devoir, avec qui on va s'intéresser à François Truffaut et à ce film, Le dernier métro, qui va être son plus grand succès et qui va réunir, André, des monstres sacrés. Tout à fait. Ouais. Bienvenue à tous les trois. Premier tour de table, en commençant par vous, André, sur ce qu'évoque, quand vous repensez aux années 80 au cinéma, qu'est-ce qui tout de suite vous vient en tête? Bien, c'est l'émergence du néolibéralisme, c'est la fascination pour le clinquant, c'est une décennie un peu où triomphe les parvenus, et ça paraît au cinéma, parce que on aime justement le clinquant, il y a une influence très, très, très forte qui émerge par rapport aux films publicitaires et qu'on retrouve au cinéma. Cette esthétique. Et pour moi, lorsque je songe au cinéma des années 80, c'est d'abord à ça. C'est ça qui me vient en tête d'abord. Ce côté clinquant, ce côté visuellement très, très fort et qui, malheureusement, souvent vieillit très mal. Ouais. Nathalie Petrovski. Alors, pour moi, d'abord, c'est pour le cinéma québécois, les années 80, c'est le début d'un âge d'or. Mais entendons-nous bien, ça commence au milieu des années 80, justement, avec le déclin. Parce qu'avant ça, moi, j'ai vu les premières cinq années des années 80 dans le cinéma québécois, c'était épouvantable. Ouais. Les films restaient deux jours à l'affiche, ils rejoignaient aucun public, il n'y avait aucun rayonnement. Il ne se passait rien. Tout à coup, arrive le déclin et il va vraiment déclencher cet âge d'or dont les répercussions sont encore aujourd'hui. Je veux dire, on est rendu, on va aux Oscars, nos films vont aux Oscars assez régulièrement. Il y a quelque chose d'une nouvelle vague québécoise. Une nouvelle vague, elle commence à ce moment-là. Ouais. Renaud Mirois, les années 80 au cinéma pour vous? Bien, les années 80, pour moi, c'est d'une part quelqu'un comme Bénix, par exemple, qui a transporté vraiment l'esthétique dont parlait André. Avec 37 du matin. Puis qu'effectivement, ces films-là ont mal vieilli. Mais comme Nathalie, le déclin de l'Empire américain, je l'ai écouté, moi, je l'ai regardé dans le sous-sol de René Malo, le producteur, qui m'avait invité pour me tâter, si on peut dire, me tester. Et ça m'a tellement jeté par terre qu'on puisse que Denis, qui avait fait plein de choses formidables avant, mais jamais aussi achevé, ça m'a tellement ému, touché que René Malo a téléphoné pendant que j'étais là pour savoir ce que j'en pensais. Il était à Paris. Et j'ai refusé de lui parler. J'étais trop pas bouleversé, j'étais trop secoué. C'est vraiment un film secouant. Il y a toutes sortes d'affaires. Une charnière, on sent qu'il se passe quelque chose à ce moment-là. Oui, on sent qu'il se passe quelque chose. Et ce milieu qu'il décrit, c'est très rare au cinéma québécois qu'on décrive un milieu universitaire, mais intelligemment, sans élitisme, avec drôlerie. Ça m'a très, très, très frappé, ça. Depuis près de 3000 ans, l'homme cherche l'Arche d'Alliance. L'arche perdue. Selon la Bible, l'arche peut raser les montagnes et dévaster des régions entières. Il ne faut pas prendre ces choses à la légère. Nul ne connaît les secrets de l'arche. Voulez-vous que je vous dise exactement ce qu'est l'arche? Voulez-vous vraiment le savoir? C'est un émetteur radiophonique, une ligne directe avec Dieu. Une armée qui se ferait précéder de l'arche serait invincible. Si l'arche d'alliance se trouve réellement à Tanis, la main de l'homme ne doit pas s'en approcher sous peine de mort. Baisse-toi ! Les aventuriers de l'Arche perdue. Un film de Steven Spielberg et George Lucas. Les aventuriers de l'Arche perdue, c'est le premier film de la trilogie des Indiana Jones de Steven Spielberg. Le film sort en 1981. Les années 80, c'est vraiment des années qui seront très, très importantes pour Steven Spielberg. Il en est au miroir. De quelle manière, c'est une décennie importante pour lui? Il en est où, de fait, dans sa carrière à ce moment-là? Bien, ça commence à marcher pour vrai. Moi, je me souviens avoir été complètement ébloui par le camion, qui était quelque chose de très, très particulier, mais qui annonçait... En duel. Le duel, pardon, j'appelle ça le camion. Il y a un camion dedans. Oui, duel, qui était vraiment étonnant. Et j'avais lu à l'époque des commentaires du genre, ah ben là, tu sais, bon, ce petit Pitt-là, il était très jeune, embarque dans des traces qui ont été tracées par d'autres puis qui sont plus intéressantes, les traces des autres. Puis je me disais, je pense pas, parce qu'il y avait tellement d'intelligence, d'invention, de surprise dans ce film-là, ce qui a été vraiment son modus operandi par la suite. Il a toujours fait des choses comme Déjà, 70, bon, c'est duel, jazz, rencontre du troisième type, et puis vient les années 80, une trilogie, c'est du cinéma commercial. Revenons sur ça nous dit quoi? On vient d'entendre un extrait de la bande-annonce. Ça nous dit quoi? Parce qu'il n'y a pas un Spielberg, il y a des Spielberg. Les Indiana Jones, ça nous dit quoi sur son cinéma, René? Bien, ça dit une préoccupation qu'il a toujours eue, c'est-à-dire de nous informer, entre guillemets, en même temps qu'il nous dit très, mais complètement, parce qu'il a toujours choisi des interprètes formidables. Le rythme de ça est toujours étonnant. Et je me disais, les blockbusters d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce qui était fait à cette époque-là. Ouais. C'était intelligent. Moi, je faisais des commentaires sur le cinéma à l'époque et je les ai tous vus et je les ai tous vus avec plaisir. Ouais. Alors que vous y alliez un petit peu à reculons, voir ces films. Au début, oui. Indiana Jones, Mais pas Jaws, un peu à reculons. Puis, d'une certaine façon, j'avais raison. Parce que avec ce film-là, Spielberg a commis un crime. Il a vraiment inventé la bébite, justement, qui s'appelle les blockbusters, qui va nous mener jusqu'au fauteuil qui tremble et toutes ces affaires-là, alors que Jaws était extrêmement bien fait, très bien construit, comme tous ces films. Mais il y a là une sorte d'exemple, un chemin qu'il a ouvert puis qui a été emprunté. Dans la tradition, c'est un hommage en même temps. C'est le cinéema hollywoodien divertissement, c'est ça, sa première ambition. Mais c'est aussi Nathalie quelqu'un de très prolifique. Regarde, de 81 jusqu'à 89, il va quasiment faire un film par année, puis pas un petit film, pas un petit film d'auteur, avec des effets spéciaux et tout ça. C'est quand même incroyable. Donc, l'énergie qu'il devait avoir, il devait être vraiment au sommet de sa forme. Ouais. Et il a continué aussi, mais vraiment un film par année dans toute la décennie 80. Et de grands films. La trilogie d'Indiana Jones dans cette décennie des années 80. Et puis, évidemment, l'incontournable E.T. E.T. was the gift that came from the heavens for me. I was in Tunisia making Raiders of the Lost Ark. E.T. a été un véritable cadeau du ciel pour moi. J'étais en train de préparer le tournage d'une prise du film Les Aventuriers de l'Arche perdue en Tunisie. Je ramassais des petits fossiles dans le désert de Nefta, des fossiles qui étaient au fond de l'océan des millions d'années plus tôt. Je me suis alors souvenu de la finale du film Rencontre du troisième type, alors que Richard Dreyfuss monte dans le vaisseau, juste avant qu'un extraterrestre ne descende et fasse un signe de la main à François Truffaut. And just before that, the little alien comes down and does the hand signs to François Truffaut. And it just hit me out of the sky. I thought, what if the alien had stayed behind on Earth? L'idée m'a frappé comme un éclair. Et si l'extraterrestre était resté sur Terre? Dreyfuss qui part et l'extraterrestre qui reste. Et soudainement, toute cette histoire m'est tombée dessus comme une tonne de briques. C'est vraiment une histoire qui ramène au divorce de mes parents et à comment je me suis senti comme enfant. Je voulais un ami comme celui-là pour combler le vide dans ma vie. Tous ces souvenirs et toutes ces émotions se sont déversés sur moi et l'histoire est devenue très claire dans ma tête en quelques jours seulement. Steven Spielberg, dans une entrevue accordée à l'American Film Institute en 2011, cet extrait qu'on vient d'entendre, il nous en dit beaucoup sur le cinéma de Spielberg. En un miroir, il parle de l'enfance, oui, il parle de ses parents. Il y a cette autre phrase à propos d'E.T. que j'ai lue. Spielberg dit, c'est formidable, qu'il adore opposer le cosmos à la vie de banlieue quand il parle de ce film. C'est très, la formulation est très jolie. Mais ce qui est très important, à mon avis, c'est que je crois que c'est le premier cinéaste qui a rendu sympathique quelqu'un, un extraterrestre, pas forcément un martien vert avec des antennes, oui. Un petit personnage un petit peu étrange physiquement, mais bon, aimable, aimant. On ne percevait pas les gens de l'extérieur comme ça. Oui. Et pour moi, c'est un des aspects intéressants de Spielberg, ce côté d'ouverture, de bonté, de gentillesse. Il a fait des films plus ronds. Je pense à ses films sur l'Holocauste et tout ça. Mais c'est pour moi, une de ses grandes qualités qui révélait là-dedans. Et c'est l'enfant. C'est l'enfant. Parce que c'est beaucoup ça, Spielberg. C'est, oui. L'enfant, c'est toujours là. Et oui. C'est l'espèce de regard de l'enfant. Oui, oui. Dans E.T., mais dans plein d'autres films. Dans plein d'autres films. Un des films que je préfère, moi, formellement, c'est Intelligence artificielle. Parce qu'encore là, c'est le regard d'un enfant sur quelque chose qui est en train de se développer et qui n'a pas de bon sens. Mais c'est tellement un beau film. Oui. Et je suis très sensible à ça, moi. Et à chaque fois... J'ai jamais été déçu en allant voir un film de Spielberg. C'est une sorte, je sais bien que le mot est galvaudé, mais c'est une sorte de génie qui, à la fois, peut nous toucher, vraiment nous émouvoir, nous éblouir, nous inquiéter, Jaws, oui. Tu sais, vraiment, et c'est un cinéaste absolument complet. Moi, c'est une de mes très rares idoles au cinéma, mes ouais. big idoles. Ouais. Pourquoi il est si fort? Déjà, la décennie des années 70, on le voit monter, on le voit venir, comme on dit. Les années 80, vraiment, c'est l'affirmation totale, mais il est encore très, très fort, très présent aujourd'hui, très puissant. Qu'est-ce qui fait que Spielberg emmène aussi large André Lavoie? Bien, c'est parce qu'il réussit à la fois à réaliser de grands films et il connaît tous les rouages de la production. Et c'est très drôle parce que dans les années 70, il y avait... ce qu'on appelait Hollywood le quatuor des barbus. C'était quatre amis. Il y avait George Lucas, Brian De Palma, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg. Ils étaient amis, ils se connaissaient, ils se fréquentaient. Et des quatre, je ne juge pas de la qualité artistique des trois autres, mais des quatre, c'est celui qui a le mieux tiré son épingle du jeu dans le système hollywoodien. Ouais. Donc lui, les autres ont autant de choses intéressantes à dire, ont autant un regard artistique aiguisé, mais Steven Spielberg, ce qui est sa force et ce qui fait qu'il domine, dans le fond, ses trois autres amis, c'est qu'il réussit à comprendre comment manœuvrer dans ce système-là, qui est quand même assez complexe. Mais lui, on le disait tout à l'heure, c'est extrêmement productif, mais il est productif pas seulement comme réalisateur, mais aussi comme producteur. Donc, capable de mener sa barque à ce point-là, avec les deux chapeaux en même temps, pour lui et pour les autres, pour moi, c'est exceptionnel. Ouais. J'aurais pu en sauver plus. Je ne sais pas si j'ai... J'aurais pu en sauver Oscar, vous avez ici les 1100 personnes qui sont vivantes grâce à vous, regardez-les. Si j'avais fait plus d'argent... J'ai tellement gaspillé d'argent. vous n'avez pas idée. Si j'avais pu... Il va y avoir des générations grâce à ce que vous avez fait. Je n'en ai pas fait assez. Vous avez fait tellement. On va parler du Spielberg un petit peu plus proche de nous, un petit peu plus grave, un petit peu plus sérieux. René Miroir, vous l'avez évoqué, le Spielberg de la liste de Schindler, oui. Le Spielberg de Lincoln, le Spielberg qui s'intéresse à l'histoire. Oui. Qui est-il, celui-là? Bien, celui-là a été traumatisé par ça, à cause de sa famille et tout le reste, je pense à l'Holocauste. Et il réussit, enfin, pour moi, il a réussi à faire la liste de Schindler sans... appuyer sur le bouton qui fait que les larmes coulent forcément, sans raison. On est ému, il y a des moments qui sont assez terribles là-dedans, mais en même temps, et ça, André le disait tantôt, c'est quelqu'un qui connaît tellement bien le système, qui connaît tellement bien la matière, qui connaît, bon, qui est intelligent aussi, qu'il peut parfaitement bien raconter une histoire comme celle-là, pas de façon magistrale, pas de façon sèche, mais... une vraie histoire, oui. Qu'on ne connaissait pas vraiment, avec des émotions, toutes sortes de choses, et qu'on puisse attacher tout ça, oui. Ensemble. Mais ça montre l'éventail, la complexité du personnage, oui. Parce qu'entre... même s'il y a toujours le cinéphile dans tous ses films, l'intérêt pour le cinéma, Indiana Jones, il y a des clins d'œil, c'est la grande tradition hollywoodienne aussi, mais Schindler's List, c'est l'ambition, oui. De faire un chef-d'œuvre qu'il a fait, mais ça montre aussi la diversité de l'homme. Mais le cinéphile, je pense que c'est très important. C'est pas pour rien qu'il met François Truffaut dans Les Rencontres du Troisième Type. Je pense c'est pas que pour sa qualité de son anglais. Non, c'est ça. Non, mais je pense que Truffaut a été très important aussi pour lui. Bon, les 400 coups, tout ça, ça a été une espèce de film culte pour bien du monde. Et j'imagine, le cinéphile est très important. Et j'ai l'impression que c'est ça qui lui permet de passer d'un genre, ouais. À l'autre, d'une histoire à l'autre. Et de s'intéresser à tout. Mais il y a aussi, on parlait tout à l'heure, je trouve qu'il est très important, c'est ça que j'aime des films de Spielberg, c'est qu'il y a toujours une couche en bas, là, une couche émotive, une couche psychologique. Mm. Puis t'as en haut, t'as l'entertainment, t'as le show, t'as le spectacle. Mais ouais. Les deux marchent en même temps. Alors t'as cette histoire extraordinaire qui se peut pas, mais elle est toujours liée à quelque chose d'émotif qui, effectivement, nous rejoint tous. L'enfance, ouais. Le divorce, l'enfant délaissé, tout ça. C'est ça sa force aussi, de réunir les deux. Et c'est un manipulateur, en quelque part, ouais. Extraordinaire. Ouais. Son héritage, comme en un sont mot. Tous les grands cinéastes, exactement, d'ailleurs. Exactement. En un mot, René Miroir, son héritage, il est encore très, très, très présent, oui, très, oui. Puissant à Hollywood, mais qu'est-ce qu'il laisse? Ben, il laisse ça, il laisse la démonstration qu'on peut à la fois faire d'énormes machins avec, oui. D'énormes moyens, rester intelligent en faisant ça, trouver des sujets auxquels peu de gens se sont intéressés. Encore une fois, à l'envers, par exemple, parce que dans le film Rencontre du Troisième Type, on n'était pas habitué de voir des gens de cette nature-là, oui. S'intéresser à ça. Et de E.T., bon, petite bête qui vient de l'extérieur et qui est pas méchant, qui est très bon. Pour moi, c'est une leçon. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui l'ont compris. Ceux qui vont dans les gros machins débiles, avec beaucoup de bruit. Alors ça, c'est le côté sombre, pour moi, de Spielberg qui a lancé cette chose-là. Mais d'autre part, il nous a fait comprendre qu'on peut effectivement avoir un cœur d'enfant, que ce soit pas gnagnant, que ce soit intelligent, beau, et je pense que l'exemple qu'il donne va être suivi, ouais. Sûrement. Et peut-être, la formule est peut-être trop forte, mais je vous écoute, puis j'ai cette image du capitaliste humaniste, en tout cas de l'homme d'argent humaniste. C'est difficile à croire, hein? ça existe peut-être. Ben, dans son cas, puis le capitalisme humaniste, c'est pas forcément de donner des grosses sommes à des grosses causes. C'est de faire, peut-être comme lui, d'ouvrir des portes, d'ouvrir. Mais pour le faire, ça prend énormément de fric et il s'est organisé pour le faire. Et puis, il n'y a pas une vie ostentatoire et tout ça, là, quoique il ne vit pas dans une cabane. Mais... On ne lui demande pas ça. Non. J'étais au Festival de Cannes. Mm-hmm. Au Festival de Cannes, j'étais accompagné de 25 personnes des deux paliers du gouvernement. 25 personnes dont la majorité avait des suites à Cannes sur la mer. Si on était à Cannes, c'est parce que un zoo la nuit, en grande partie, était à Cannes. Aujourd'hui, il faut comprendre une chose. Je m'excuse, il faut comprendre une chose de très, très claire. À tous les 100 $ de dépensés pour les artistes au Québec, il y a 10 sous qui vont dans la poche d'un artiste. Le restant du 100 $ est dépensé à savoir comment on va donner ce 10 sous-là et comment il va être dépensé et comment on va vérifier si le 10 sous a servi à quelqu'un. Et dès que la personne a reçu le 10 sous, je m'excuse, les impôts viennent y collecter 3 cents. Monsieur Lauzon, est-ce qu'on a l'impression que vous êtes un peu le Luc Plamondon là, du cinéma? Parce que il reste que si... Est-ce que vous êtes la Sophia Loren des entrevues? Je m'excuse. Savez-vous c'est quoi pour un réalisateur de rentrer à la Société générale du cinéma et quand les portes s'ouvrent, vous voyez une secrétaire et vous la regardez, vous dites... Elle vit du cinéma québécois. Moi, je ne vis pas du cinéma québécois. Est-ce que vous savez que si j'arrête demain matin de vivre au crochet de la publicité, je ne peux pas aller sur l'assurance chômage, je dois m'inscrire au bien-être social. Ce que je vous dis, c'est que la culture, c'est une mère qui fredonne des chansons folkloriques à ses enfants, ses plumes, ses margeaux. C'est pas les gens qui vont discuter à Cannes en mangeant des crevettes. La seule façon de faire du cinéma, je m'excuse, la seule façon de faire du cinéma au Québec, c'est d'être têteux. J'ai accepté d'être têteux pendant des années. Je me suis assis sur les genoux de François Hasbert. J'ai fait tigue-dop quand j'avais 20 ans pour avoir de l'argent de l'aide artisanale. Il y a des cinéastes qui ont plus, et des artistes qui ont plus de dignité que moi et qui ne veulent pas faire tigue-dop sur les genoux des épais qui présentement sont au pouvoir et qui nous empêchent de faire qu'on donne la même masse d'argent, qu'on donne plus d'argent aux créateurs. Merci. Le cinéaste Jean-Claude Lauzon, interviewé par Anne-Marie Dussault à l'émission Le Point en 1988. On s'en ennuie. À l'entendre comme ça, cette vivacité, cette intelligence. Oui, on s'en ennuie. Mais ça en dit beaucoup. Nathalie Petrosky, vous l'avez connu, bien connu, Jean-Claude Lauzon. Commençons par ce qu'on vient d'entendre, par sa personnalité, son tempérament, l'homme. Quel genre d'homme était Jean-Claude Lauzon? Bien, un électron libre, un caractériel avancé et un gars de grand, grand talent. Très émotif, comme on le voit. Faut dire aussi que quelques semaines plus tôt, ou quelques mois plus tôt, ou en fait à ce moment-là, il venait de déchirer un chèque devant tout le monde, un chèque de 100 000 $ que lui remettait la SOGEC pour continuer le financement de ses films. Et il était comme vraiment là, il était comme en furie contre les têtus de crevettes. Bon, ça c'est Jean-Claude, le polémiste, le caractériel avancé, mais c'était aussi quelqu'un de grand talent, de grande sensibilité. Ouais. Malheureusement mort beaucoup trop jeune, avec seulement 2 longs-métrages à son actif. Ouais. Bon, 2 courts-métrages aussi, puis oui, puis Supermère. Mais une œuvre trop petite, mais en même temps très grande, parce que Léolo est un film extraordinaire, puis aussi Un jour la nuit aussi. On va revenir sur ces deux films. Encore un petit mot sur l'homme, parce que... Ben d'abord, il est entré assez vite dans votre vie, mais racontez-moi un peu, parce que ça vaut le détour. On l'appelait... ce qu'on vient d'entendre, ça lui a... On a dit que c'était l'enfant terrible du cinéma. Oui. Je sais que Pierre Falardeau, plus tard, écrira un texte où il va un petit peu dénigrer ceux qui justement, il lui accole ce genre d'étiquette. Mais il y a quelque chose, d'une colère, en tout cas, dans ce qu'on vient d'entendre. Oui, colère. Vous avez goûté vous-même à cette colère-là, d'ailleurs. J'ai connu Jean-Claude à 17 ans parce que c'est mon père qui l'a ramené à la maison. Il faut dire que Jean-Claude Lauzon venait d'un milieu très dur, très pauvre, avec beaucoup de maladies mentales. D'ailleurs, ça a été un de ses grands... Je veux dire, Léolo, c'est un film sur la maladie mentale et sur sa terreur qui va devenir fou un jour. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon père, en fait, par toutes sortes de circonstances, est tombé sur un de ses textes qu'il avait écrit à l'école secondaire. Et quand il a vu ce texte-là, il a dit « Il faut absolument retrouver ce gars-là ». Ça a été très compliqué. Il l'a finalement retrouvé. Et Jean-Claude travaillait dans une usine d'embouteillage à ce moment-là. Il était aussi à moitié émondeur pour la ville de Montréal. Et mon père lui a dit « T'as un talent et tu dois... » Jean-Claude, il comprenait rien de ce que mon père lui disait. Je veux dire, il venait d'un milieu totalement illettré. Là. Ouais. Et bon, finalement, ils sont devenus amis. Il l'a ramené à la maison. Je ne l'aimais pas beaucoup. Il me tapait ses nerfs. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais ça faisait partie de votre rapport. Le gars qui partait de loin, vous qui étiez la petite bourgeoise, il jouait beaucoup de ça avec Il jouait beaucoup de ça. Lui, il disait, toi, tu n'as aucun mérite, tu arrives d'une maison où il y a de la culture, il y a des livres. Moi, j'arrive vraiment des bas-fonds. Ouais. Et si j'arrive à quelque chose, ben moi, j'aurai du mérite. J'haïssais ça quand il me disait ça, mais en même temps, il avait peut-être un petit peu raison. Et bref, grâce à mon père, il est retourné à l'école, puis il est allé au cégep, puis il est allé en cinéma à l'UQAM, puis c'est là qu'il a rencontré Bourgault et tout ça. Mais c'est sûr que mon père a été assez important dans son cheminement. Bien sûr, il y a les guerres d'Irlande. Jean-Claude Lauzon affirme que s'il ne faisait pas de cinéma, il serait terroriste. Ses bombes, il les lance sur les écrans pour faire exploser l'impuissance et la médiocrité. Un jour, la nuit est un film d'amour entre un père et son fils qui n'ont jamais réussi à communiquer. Un film sur la violence et la pauvreté qui ont marqué la jeunesse de Lauzon à Montréal. Ah! Tu l'as perdu. On m'a dit de tourner à poignée aussi. Je te t'ai dit de donner un coup avant de tourner un poignet. Tu viendras pas me montrer à pêcher. Aujourd'hui, avec le recul, je m'aperçois que c'est un film qui est très, très, très, très, très près de moi. Non, je n'ai pas été en prison, je n'ai pas été violé en prison. C'est un univers que je connais très bien parce que j'ai passé beaucoup de temps avec des gens de ce milieu-là. C'est même effrayant, avec un an de recul, de regarder un film comme celui-là, d'y voir les contrastes de ma personnalité, mes excès dans tous les sens. Des fois, je pense que tu m'as toujours pris pour une valise. Vous autres, les jeunes, vous avez l'impression d'avoir changé le monde juste parce que vous portez des lunettes noires la nuit. Bien sûr, l'argent n'a pas d'odeur. Pas d'odeur vous monte au nez. Bien sûr, on marche sur les fleurs, mais voir un ami pleurer. Bien sûr. Sur la chanson de Jacques Brel, « Voir un ami pleurer » qui terminait ce film un jour la nuit, vous entendiez un extrait d'un reportage de Gilles Goujon diffusé à l'émission Le Point en 1988. Nathalie Petrovski, quelle importance va avoir ce film-là un jour la nuit pour Jean-Claude Lauzon? Pour nous tous, pour le cinéma québécois. Bien, d'abord, c'est le film qui va lancer sa carrière de cinéaste, puisque, bon, il y a eu Pee-wee avant. Ça, c'est la première chose. Mais aussi, ce qui est important, donc, l'année d'avant, il y a le déclin de l'Empire américain. On connaît Denis Arcand. Bon, le cinéma de Denis Arcand, c'est un cinéma qui parle beaucoup. C'est la force des dialogues. Et on ne peut pas dire qu'il y a une grande virtuosité visuelle. Il n'y a pas une grande recherche d'image. Et de toute façon, c'est ça un peu le cinéma québécois. C'est-à-dire que le cinéma québécois descend beaucoup du documentaire. Et donc, on ne soigne pas les images. Il n'y a pas le souci de l'esthétisme. Et c'est ce que va apporter Un zoo la nuit. C'est vraiment... Bon, André parlait des années 80 avec cette esthétique clinquante. Et, en la tout publicité, cas, l'effet oui, publicitaire. Ben c'est ça. Puis Lauzon vient de... Enfin, vient du de monde là. De la publicité. Ouais. Mais alors, c'est vrai qu'il apporte donc cette virtuosité visuelle, esthétique. Il y a aussi... La musique est très importante. On vous disait tout à l'heure que, oui, il avait beaucoup aimé... le film de Wim Wenders, Paris, Texas. Mais avant ça, il y avait aussi L'ami américain. Et l'utilisation de la musique, de chansons, enfin, de musique actuelle intégrée dans le récit. Je veux dire, jamais on va trouver ça dans les films de Denis Arcand. Et lui, il va amener tout ça. Donc, c'est comme une espèce de, quand même, de côté plus moderne, plus en phase avec ce qui se passe à l'international aussi. De plus, il y a quelque chose d'autre dans son cas, c'est qu'on dit, on n'arrête pas de répéter, qu'il était très, très passionné, très bon. Et moi, je me souviens de son époque publicitaire, avant qu'il soit connu, on avait le même producteur. Et s'il réussissait à m'attraper dans une salle de réunion, j'y coupais pas. Parce qu'il était emballé, je ne sais pas, sur les petites culottes qu'il vendait à l'écran, ou pas lui-même, mais la publicité. Et il voulait me convaincre que c'était quasiment essentiel à nos vies, ça. Bien, en fait, parce que ça le passionnait. Oui, mais la publicité a été son école aussi cinéma. C'est comme ça qu'il a fait ses armes. C'est pour ça que ça a pris quand même un certain temps avant qu'il fasse son premier film. Mais pendant toutes ces années-là, il faisait vraiment ses armes dans la publicité. Puis il était très sollicité comme réalisateur. Il est sorti de l'UQAM, de son cours de cinéma, puis tout de suite a été engagé par une agence de publicité. Ouais. Et vraiment, ça a été une école très formatrice pour lui. André Lavoie, est-ce que c'est notre plus grand esthète au cinéma québécois? Je ne dirais pas, pour une raison très simple, c'est qu'il fait seulement que deux longs-métrages, on l'a dit tout à l'heure. Un des premiers, peut-être. Oui, mais en fait, ce qui est très intéressant et ce qui, à l'époque, a surpris tout le monde, moi le premier, parce que j'ai vu le film au moment de sa sortie, puis j'en ai consacré un chapitre dans mon mémoire de maîtrise, donc c'est un film qui m'a beaucoup, beaucoup interpellé, c'est que d'une part, il explore plein de thèmes archi connu du cinéma québécois, les milieux populaires, le rapport au père, le silence du père, les milieux un peu ouvriers, les désœuvrés. Et à côté de ça, une esthétique publicitaire, on peut le dire comme ça, mais une esthétique très forte, très appuyée, très singulière. Photo très soignée. Et c'est pour ça que ça a jeté tout le monde par terre, parce qu'à la fois, on était devant un film québécois qui rebrasse des thèmes qu'on connaissait depuis des années, sinon des décennies. Et à côté de ça, on avait un film qui se tenait parfaitement à côté de plein de films tournés n'importe où à ce moment-là, à la même époque. Ouais. Entre autres, on en a parlé, René en parlait tantôt, de Jean-Jacques Benex. Ben, c'était c'est ni... notre Benex, un peu. Oui, tout à fait. Mais québécois, parce que bon, il y a cette fameuse scène qu'on n'oubliera jamais quand son père meurt, il tue à moitié son père et qu'il le lave et toute la tendresse. Ouais. Et cette dernière scène aussi avec la chanson de Jacques Brel. Je veux dire, il y avait aussi ça, il y avait une violence, mais il y avait une tendresse incroyable. Et c'est reçu comment? Je me tourne vers la mémoire cinématographique du studio, René. Vous souvenez-vous de ce... Ça sort, ce film-là. Oui. C'est reçu comment, à ce moment-là? Ben moi, je me souviens comment je l'ai reçu, puis je me souviens que ça avait... C'est un succès. C'est un énorme succès. Mm-hmm. Et au visionnement, ou enfin à la première, whatever, où j'étais, même chose, d'ailleurs, avec Un jour la nuit, puis avec Léolo. Oui. Je me souviens, dans les deux cas, d'avoir ressenti l'extrême, l'énorme émotion de la salle. Oui. Et c'est la raison pour laquelle, moi, qui vais très rarement au cinéma, je le regrette infiniment, parce qu'on ne peut partager ces émotions-là qu'avec les autres, quand on est dans un environnement où les autres sont. Et c'est pas tous les films qui nous procurent ça. Il y a des films formidables qui créent pas cette émotion-là. Et lui, il le faisait. Moi, je me souviens, parce que bon, pendant tout le temps qu'il faisait de la pub, il arrêtait pas de dire « Attends que je fasse mon premier film, attends. » Puis je disais « Oui, ton premier film, là, j'ai bien hâte de le voir. » Et sincèrement, là, j'y croyais pas à son talent, à Jean-Claude. Ouais. Parce que je pensais que c'était un frimeur. Puis c'est vrai qu'il y avait un côté totalement frimeur. Et là, quand j'ai vu Un zou la nuit, là, je suis tombée. Et là, je suis vraiment allée lui présenter mes excuses puis dire « Jean-Claude, t'es un génie. » Ça, c'est chez moi, dans le quartier du Mile End, à Montréal, au Canada. Tout le monde croit que je suis un Canadien français. Parce que moi, je rêve. Moi, je ne le suis pas. Parce que moi, je rêve. Moi, je ne le suis pas. Ton film, c'est un film d'auteur, mais dans lequel il y a des comédiens bien particuliers. Ginette Reno, qui n'est pas comédienne, et Pierre Bourgault. Pourquoi Pierre Bourgault est-il là? Bon, c'est surtout, il faut avouer que c'est beaucoup pour la tête de Pierre, ce qu'il représentait, tout ça. Mais quand j'étais étudiant à l'université, il m'était arrivé une drôle d'aventure. Pierre était mon prof en communication. Et on était quelques étudiants à dîner chez lui un soir. Et Pierre m'avait pris par le bras, m'avait monté au deuxième étage, m'avait amené dans un genre de grand salon double. Il avait allumé la lumière et dans ce salon double-là, il devait avoir à peu près, je sais pas, 2000 livres empilés, pêle-mêle. C'était pas bien placé, là. C'était vraiment pêle-mêle. Et Pierre m'avait dit, tu prends les livres que tu veux là-dedans. La seule chose que je te demande, c'est tu les lis et tu les donnes à quelqu'un après. Je veux pas que tu les gardes. Je veux que tu les donnes. Je veux que tes livres se promènent. Je veux que tu peux en prendre 10, tu peux en prendre 4 ou 2, mais je veux que tu les donnes à quelqu'un. Et c'était une image qui m'était restée, que je trouvais très belle. Et quand j'ai commencé à réécrire ce personnage-là, j'ai repensé à Pierre parce que c'est un peu le rôle du dompteur de verre dans le film. Il faut rêver, Léolo. Il faut rêver. Moi, j'ai dit à Jean-Claude, fais de moi ce que tu voudras. Si tu es un bon directeur d'acteur, je serai bon. Si tu es un mauvais directeur d'acteur, je serai probablement mauvais. C'est toi qui dois tout décider. Or, il s'est révélé, à l'usage, que Jean-Claude est un directeur d'acteur extraordinaire. C'est le genre, il dit presque rien. Il prend comme ça. Il nous ground, par exemple. Puis, il dit deux ou trois mots. Oui, voilà. Et on sent exactement ce qu'il veut. Ce qu'il désire. Et on le lui donne presque automatiquement. Oui. Alors, à ce moment-là, on a envie d'être dirigé. On dit de lui qu'il est mon père. Mais moi, je sais que je ne suis pas son fils. Ouf. Parce que cet homme est fou et que moi, je ne le suis pas. Parce que moi, je rêve. Moi, je ne le suis pas. Léolo, le deuxième, le dernier long métrage de Jean-Claude Lauzon, qui va mourir à 43 ans dans ce bête accident d'avion. Léolo, Un zoo la nuit, deux grands films. La question qui tue, mais lequel est son chef-d'œuvre? Comment se comparent, en tout cas, ces deux films, Nathalie Petrovski? Bien, c'est sûr que Léolo, en plus, a fait la liste du Times Magazine des plus grands films. Je ne sais pas si c'est même de la décennie ou même plus que ça. Là. Mmh. Alors, oui, c'est sûr que Léolo est un film beaucoup plus abouti, beaucoup plus profond, beaucoup plus troublant, en quelque part, parce qu'il y a un côté film d'action, bang-bang, dans Un zoo la nuit. Ouais. Tandis que là, il explore vraiment toute tous ces tourments intérieurs. Et je veux dire, c'est un film sur la maladie mentale, c'est un film sur sa peur de cet héritage, de ses parents, de son père qui est fou, c'est vrai. Son vrai père a fait... Je veux dire, il est arrivé un jour, il s'est habillé en costume complet et en disant « Demain, on s'en va en voyage. » Et pendant la nuit, il a ouvert le gaz dans toute la maison pour faire sauter la maison. Ça, c'est son père. Ouais. Une chance qu'il y avait sa mère qui était à Benaki, qui, elle, a vu ça et elle a fermé le gaz. Mais je veux dire, c'était ça, son père. Ouais. Quand tu descends de là, mettons que tu as un... Et Léonard, c'est son obsession de ne pas être fou lui-même. Ben oui, exactement, oui. Tout à fait. Alors, c'est son film le plus abouti, le plus poignant, le plus... parce qu'il rêve et aussi, il y a tout son imaginaire, c'est ça qui est absolument... Est-ce qu'il n'appelle pas le cinéma québécois? Mais je veux dire, Pierre Bourgault, c'est vrai que Pierre Bourgault a été important dans sa vie, mais c'est mon père, c'est le personnage de mon père. D'ailleurs, il y a toujours eu un rapport un peu amouraine avec mon père. Quand il a fini le scénario de Léolo, il est arrivé puis il lui a garoché, puis il a dit « Voilà, ça t'est dédié, parce que c'était écrit dédié à André Petrovski, et maintenant je ne te dois plus rien. » Ça, c'est... Il est très théâtral. C'est très drôle parce que dans l'extrait qu'on a entendu en entrevue, il est déjà un peu plus posé, Jean-Claude Lauzon. Je pense que le premier succès a dû calmer un peu ses angoisses. Pas du tout. Au contraire. Mais en fait, moi, je pense que oui. Puis je vais vous dire pourquoi. Parce que un peu plus calme, il est capable, et c'est le cas de tout le monde, de prendre un peu plus de recul. Et plus jeune, plus énervé, plus enragé, plus aveugle à tout ce qui est autour de lui, il n'aurait probablement pas été capable d'écrire un scénario comme celui de Léolo. Je pense que le temps... Enfin... Plutôt Léolo ou plutôt Un zoo la nuit, André Lavoie? Moi, je suis plutôt Un zoo la nuit. Malgré tout, ce que vous voulez dire. Oui, tout à fait. René? Non, moi, je suis Léolo parce que, justement, dans Un zoo la nuit, il montre son appartenance à ce mouvement-là, très, très plastique, très esthétique. Bon, Jean-Jacques Benex, etc. Ça n'empêche pas que c'est un film formidable. Mais Léolo, Nathalie a raison, c'était sa substantifique moelle. Puis il amène le cinéma ailleurs. Il y a quelque chose de... Et moi, je veux juste dire, pour André, pendant qu'il écrivait Léolo, parce que finalement, on a fini brouillé et on ne s'est pas parlé pendant 5 ans. Donc, quand il est mort, on ne se parlait plus pendant 5 ans. Mais pendant toute la période d'écriture de Léolo, moi, j'écrivais un roman, lui, il écrivait ça, et on se parlait régulièrement. Ouais. Et ça a été horrible pour lui. Ça a été déchirant. Il me dit, quand j'écris, là, tu sais, je suis en sueur, ça a été très, très douloureux pour lui, parce qu'il allait chercher des choses très profondément enfouies en lui. Alors, il ne s'était pas calmé. Oui, peut-être dans les médias, il savait mieux comment parler aux médias. Oui, mais il ne s'était pas calmé. Et puis, en un mot, en fait, la brouille, c'est que vous n'allez pas à sa première à Montréal, parce que vous aviez vu le film ailleurs. C'était de ma part, c'était vraiment con ce que j'ai fait. C'est que c'est ça, on est allé voir, on a vu, il y a eu une projection pour la famille, pour nous tous. Après ça, il est allé à Cannes, il n'a pas gagné, il était très déçu de repartir. Furieux. Et là, il fait une grande première à Montréal, et c'est le soir de la première de La Postière de Gilles Carle. Puis là, moi, je dis, c'est pas grave, j'ai vu Léolo. Fait que je suis allée voir La Postière, puis je suis venue au party, puis là, il était bleu marin, et je le comprends, il avait raison. Je m'en excuse. J'étais troublée par vous. Oui, c'est vrai, j'étais troublée. Et comme j'avais l'impression que tout le monde allait lire sur mon visage, alors je me durcissais. Et à force, vous en êtes venu à me détester. C'est pas vrai. Je ne vous ai jamais détesté. Mais je ne comprenais pas pourquoi vous étiez redevenue si distante après m'avoir embrassée. Tout le monde s'embrasse dans le théâtre. Pas forcément sur la bouche. Moi, je vous embrassais sur la bouche? Oui. Le soir de la générale, pendant le rideau. Non, sûrement pas. Vous m'avez embrassé sur la bouche. Vous me dites pas qu'il y a 2 femmes en moi? Si, justement. Il y a 2 femmes en vous. « Catherine Deneuve et Gérard Depardieu dans le film de François Truffaut, Le Dernier Métro. Ce film de Truffaut va remporter 10 Césars à sa sortie, André Lavoie. Pourquoi, dans cette décennie des années 80, avoir choisi de nous parler de ce film, Le Dernier Métro? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Bien, personnellement, c'est le premier film de François Truffaut que j'ai vu. Je l'ai vu au cinéma et je me suis faufilé pour la projection suivante, donc je l'ai vu deux fois de suite. Et donc, j'étais absolument ébloui. C'est là que j'ai fait la connaissance de ce grand cinéaste. C'est un film important dans la carrière de François Truffaut parce que c'est un cinéaste très connu, très apprécié, vu à travers le monde de son vivant. Ce n'est pas une gloire posthume. Ouais. Mais en France, Le Dernier Métro, qui sort en 1980, c'est, et encore aujourd'hui, son film le plus populaire. Ouais. On parle de près de 4 millions d'entrées en France, ce qui est un succès énorme. Alors, ça lui a permis, entre autres, parce qu'il était aussi producteur, il avait une maison qui s'appelait Les Films du Carrosse, ça a permis à sa maison de production de continuer à survivre, parce qu'un film sur deux était un échec commercial, et à chaque fois, c'est un pari pour faire un nouveau film. Donc, Le Dernier Métro, à ce moment-là de sa carrière, lui permet de consolider sa maison de production, sa position dans le cinéma français. Cinéma français qui va d'ailleurs changer à l'aube de la décennie 80. Ouais. Et puis, c'est un projet, comme toujours, Truffaut, c'est un réalisateur qui veut dire des choses, qui a des projets. On dit que Le Dernier Métro, puis ça nous permet un petit peu de raconter l'histoire aussi, mais c'est sa nuit américaine au théâtre. Oui, mais en fait, il y a trois obsessions. Il veut parler du théâtre, il veut parler du milieu théâtral, il veut parler de l'occupation, et il veut donner un grand rôle à Catherine Deneuve. Ça, c'est sa troisième obsession parce qu'il a déjà tourné avec elle La Sirène du Mississippi à la fin des années 60, un film qui n'a pas du tout marché. Et depuis cette époque, il est porté par le désir très profond de renouer, cinématographiquement parlant, avec Catherine Deneuve, mais surtout de faire un grand film avec elle. Et donc, c'est ces trois intérêts-là qui s'amalgament dans ce film-là. Et à mon avis, le mélange est parfaitement réussi. Ce qui est fabuleux, c'est que c'est un film important pour tout le monde. On va y aller, Truffaut, on l'a dit, ça, il se refait financièrement, c'est déjà ça. Oui. Il réalise un film qu'il aime, qu'il voulait faire. Pour Catherine Deneuve, André Lavoie, c'est un film super important. C'est un film essentiel, pas seulement pour une chose très précise d'ailleurs. C'est la première fois qu'elle remporte un prix d'interprétation pour un rôle. Le rôle de Marion, la femme de Lucas Steiner, qui est cachée dans un théâtre et elle doit diriger le théâtre pendant l'occupation. Et en fait, c'est ça dans le sens que c'est un rôle de femme responsable. Donc, c'est la première fois qu'elle gagne un prix d'interprétation dans un film, ce qui est quand même étonnant parce qu'elle a déjà une longue carrière. Ensuite, la décennie 70 pour Catherine Deneuve, ça n'a pas été sa plus grande décennie. C'est la décennie qui, en fait, c'est Romy Schneider qui principalement lui porte ombrage. Elle ne fait pas nécessairement que des grands films. Elle est un peu laissée à l'écart. Il y a d'autres actrices qui émergent, par exemple Isabelle Adjani. Mais avec Le Dernier Métro, ça va installer, et pour de cette époque-là jusqu'à aujourd'hui, le caractère iconique de Catherine Deneuve. Ouais. Après ça, elle aura beaucoup plus le choix, dans le fond, des rôles, des films. Elle va débuter des grandes collaborations, entre autres avec André Téchiné. Elle va faire des films extrêmement populaires. Je pense, entre autres, une douzaine d'années plus tard, Indochine, qui va être un grand succès international. Mais avant, je n'irais pas jusqu'à dire que c'était une traversée du désert, mais les années 70, ça n'a pas été facile pour elle. On perd de vue ça. Depardieu, c'est pareil. Quand il fait ce film-là, au début, il n'est pas encore l'acteur qu'il va devenir. Mais en fait, dans le cas de Gérard Depardieu, c'est pas tant que c'est une traversée. Les années 70, pour lui, c'est le début de sa carrière. Il commence avec Marguerite Duras. Après, il va avoir la rencontre déterminante avec Bertrand Blier. Et lorsqu'il arrive sur le plateau du Dernier Métro, il faut dire que même Truffaut et Depardieu s'adoraient pas nécessairement, mais bon, ils étaient curieux de travailler ensemble, mais c'était pas un enthousiasme. Autant Truffaut était déterminé farouchement à travailler avec Catherine Deneuve, autant il n'était pas si convaincu que ça de travailler avec Gérard Depardieu. Ouais. Et c'est sur ce plateau-là qu'ils ont vraiment découvert qu'ils avaient des affinités. Ouais. Et Gérard Depardieu, ce que ça a fait pour lui, c'est que ça l'a un peu bousculé son image d'acteur un peu lourdeau, qui joue dans des films sombres, qui fait des personnes suicidées ou des loups-bars. Évidemment, il avait travaillé avec Maurice Bialat, avec Blier. Et là, tout à coup, s'ouvre pour lui le cinéma populaire, dont celui de Francis Weber. Et qui va changer la perception qu'on a de lui. Là-dessus, justement, c'est intéressant. Écoutez l'extrait qui suit, ça va compléter parfaitement ce que vous disiez sur l'image qu'on accolait, en tout cas, à Depardieu, l'image qu'on accolait à Deneuve. On les écoute tous les deux dans une entrevue accordée le 4 octobre 1988. Moi, j'ai l'impression qu'on est assez complémentaires, même physiquement, je veux dire, physiologiquement, comme ça, je trouve que quand on nous voit ensemble à l'écran, il y a quelque chose de complémentaire. Non pas qu'il soit fort et que moi je sois fragile, mais Gérard a l'air plus fort. Très, très fort. C'est plus souterrain que ça, mais disons que a priori, à la première impression, oui. Et après, moi, j'ai des brutalités ou des brusqueries comme ça que Gérard n'a pas. Gérard a une voix beaucoup plus douce, avec des inflexions beaucoup plus douces que moi. Moi, je peux être même sèche parfois. Et je trouve que ça fait une musique un peu différente. Si à l'arrivée. Un vrai couple comme ça sur au cinéma ou même dans la vie. Déjà, dans la vie, surtout c'est difficile. Dans la vie. C'est difficile d'être mais un vrai couple. Mais au cinéma, c'est aussi. Très rare, c'est vrai. Puis il n'y a pas tellement de femmes avec lesquelles on a envie de partager quelque chose au cinéma, c'est vrai. Ah, ça va donner quoi, cette rencontre dans Le Dernier Métro, André Lavoie? Ça va donner une rencontre, à mon avis, absolument fabuleuse. C'est un très beau film, un film plein de virtuosité. François Truffaut le décrivait comme un alliage entre le journal d'Anne Frank et To Be or Not To Be de Lubitsch. Je trouve que c'est parfaitement ça. Truffaut disait aussi qu'il aurait été prêt à donner tous ses films pour faire Les Enfants du Paradis de Marcel Carné, un film qu'il adorait et que j'adore aussi. Mais donc, ça montre aussi son amour qu'il avait pour le théâtre. Et dans ce film-là, il l'exprime merveilleusement bien. Ouais. Et c'est une sorte de vaudeville, parce que dans le fond, c'est sûr que ça se passe dans une période assez dramatique. Mais c'est oui, ça, justement. C'est ça, c'est que, tu sais, les films sur la Seconde Guerre mondiale, j'en ai vu, quoi, 800 000 à peu près, et c'est toujours... Minimum. Ça se passe toujours dans les tranchées. Et là, tout à coup, c'était vraiment un espèce de regard rafraîchissant. Ouais. En plus, rafraîchissant, pas vraiment. C'est l'occupation à Paris, française, quand même période très sombre, très trouble. Mais je trouvais ça... C'était vraiment intéressant de le voir sous cet angle-là, au lieu d'être toujours sous le champ de bataille, ou avec les militaires, avec les généraux, avec... ou tout ça. Alors, il apportait ça. C'est un des premiers films, je pense, tout à coup prend cette période-là, mais nous l'offre dans un angle complètement différent. Oui, complètement. Renaud Mirois, sur ce film, sur cette Sainte Trinité, Truffaut, oui. Depardieu, Deneuve. Mais c'est bon, moi je trouve que Depardieu à cette époque-là, et c'est encore un grand acteur, mais à cette époque-là, il n'y avait pas tous les bugs qui l'entourent maintenant. Le fait que, bon, il n'apprenne pas ses textes, qu'il les écrit quasiment sur le front au moment du tournage. Et moi, je l'ai perçu comme une sorte de pureté. Dans Catherine Deneuve, Depardieu, Truffaut aussi, c'était le mariage d'une grande, grande pureté. Ni l'un, ni les uns, ni les autres avaient encore commis. Catherine Deneuve n'était pas encore devenue l'emblème qu'elle est devenue, mais elle ne peut pas bouger la tête parce qu'elle est trop prise dans son plastique. Ouais. Depardieu a cette folie qu'il a, qui est tout à fait la sienne et qui est bien, mais enfin, c'est pas quelqu'un de très reposant. Il ne devait pas l'être à l'époque, mais il ne devait pas être reposant non plus. Je pense qu'il devait être un peu plus discipliné qu'il l'est maintenant. Ben oui, maintenant, il l'est. Non, mais maintenant, il est. C'est de la folie. C'est un fou furieux. Furieux. Et il est donc, dans ce film-là, toute sa sensibilité qui est très, très grande. Depardieu, c'est une petite bête, une grosse bête, très, très sensible. Ouais. Et on s'en rend pas compte la plupart du temps. Dans Le Dernier Métro, c'était très, très évident. Ouais. Et ce que Catherine Deneuve disait tantôt à propos du couple qu'ils formaient tous les deux et de la difficulté de faire un truc comme ça, c'est tout à fait juste. Ouais. Puis elle a sûrement raison parce qu'elle l'a vécu, elle. Ouais. Et Depardieu avait cette phrase, je pense, qui disait « J'aurais voulu... Si j'avais été... Non, Catherine Deneuve est l'homme que j'aurais voulu être. C'est joli comme tout. Est-ce que c'est, André Lavoie, ce film-là, pour clore là-dessus... un des exemples de rencontres remarquables au cinéma. Oui, de mon point de vue, c'est... Écoutez, on peut chipoter longtemps sur est-ce que c'est le meilleur film de François Truffaut. Vous et moi, on a déjà eu des conversations là-dessus, d'ailleurs. Je pense qu'en termes de grands films populaires, c'est un aboutissement. De là, est-ce que, bon, c'est le meilleur? Peut-être que dans le fond, en fait, à chacun son Truffaut. Pour certains, c'est Jules et Jim, pour le côté très libertaire. Pour d'autres qui aiment le cinéma, et c'est mon cas aussi, La Nuit américaine, c'est un film emblématique. C'est d'ailleurs un film qui a beaucoup... Les 400 coups, n'oublions pas les 400 coups. Oui, mais moi, voyez-vous, quoi je préfère Julie Jim, puis je préfère La Nuit américaine aux 400 coups. Ouais. Mais bon. Et j'aime beaucoup aussi Le Dernier Métro à cause, comme je disais tout à l'heure, de la virtuosité et le fait aussi que ça se passe dans le milieu théâtral à une époque très précise. Parce qu'il y a des batailles aussi. Bon, c'est la Deuxième Guerre mondiale, mais il y a d'autres batailles. Il y a la bataille de l'amour, la bataille de la survie, la bataille des éternelles compromissions parce qu'il faut justement survivre. Mmh. Alors, il faut mentir. Il y a le critique aussi, le terrible, redoutable critique. J'ai beaucoup aimé ce personnage-là. Mais c'est un personnage qui a vraiment existé. Et Truffaut, pour le scénario, s'est inspiré de beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées dans l'occupation. D'ailleurs, il y a un moment où Gérard Depardieu bat le critique. Et en fait, c'est directement inspiré d'un moment où Jean Marais avait pratiquement pas battu à mort, mais avait donné un sérieux coup de poing à un critique qui avait injurié Jean Cocteau. Et ça s'est passé à cette époque-là. Ça se passait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui est fascinant en vous écoutant, c'est que l'émission va se poursuivre après parce que vous qui nous écoutez, vous avez compris qu'il y a des débats intéressants au cinéma qui sont très, très simples. Est-ce que vous êtes plutôt 400 coups ou Je les gime? Est-ce que vous êtes plutôt Ça reste cordial. Dernier tour de table, c'est déjà le moment de terminer cette émission. C'est toujours cruel de consacrer... Il y a trois séquences dans chacune de ces émissions qui évoquent, et c'est le bon verbe à utiliser, une décennie au cinéma. On aurait pu parler de plein d'autres choses. De quoi aurions-nous aussi pu parler, André Lavoie? Bien, on aurait pu parler de l'arrivée du magnétoscope domestique. Je m'explique. C'est un appareil extraordinaire qui permet d'avoir le cinéma du monde dans son salon. Mais ce que ça a créé aussi à cette époque-là, et c'est à cette époque-là que j'ai commencé à devenir cinéphile, c'est que les salles de cinéma sont devenues l'extension des salons parce que les gens qui regardaient les films dans le salon ont cru que les salles de cinéma, c'était la même chose. Et c'est depuis cette époque, malheureusement, que les gens n'ont pas compris que lorsqu'on voit un film, qu'on paye son billet pour aller voir un film, on ferme sa gueule. Et donc, ça a commencé dans les années 80. J'étais là, malheureusement, et ça fait 40 ans que je fais le préfet de discipline. Je n'en peux plus. Alors, le mot est lâché. Moi, je ferais une émission complète là-dessus. Ouais. Je ne comprends toujours pas pourquoi les gens ont ce rapport, cette espèce d'obsession de vouloir commenter en direct ce qui se passe au cinéma, regardez et parlez-en après. Je pense que c'est pire aujourd'hui que dans les années 80 parce que ma théorie, pour poursuivre sur ce que vous dites, c'est qu'on va de moins en moins au cinéma. Exactement, on est tous branchés sur Netflix. Et que quand les gens y vont, ils oublient qu'ils ne sont plus dans leur salon. Ouais. Puis on va voir Roma sur Netflix, c'est non, ça. Ça, mais c'est autre sacrilège, autre sujet d'émission. Nathalie Petrossi, les années 80, mais on en a parlé, on l'a évoqué brièvement. Je pense que j'aurais aimé ça qu'on parle de Wim Wenders, de Paris, Texas. L'ami américain... c'est un peu avant, mais il a été quand même très important dans ses images, dans son espèce d'atmosphère, de un peu d'errance, de mélancolie. Ça aussi, c'était années 80. C'est très... Renaud Leroy. Stanley Kubrick, The Shining, moi, c'est un film qui m'a complètement bouleversé et qui a sans doute changé la perception ou la manière de faire ces films-là. C'est un film de peur, entre guillemets, mais diaboliquement intelligent. Nicholson fait là-dedans un personnage. Puis j'oublierai jamais les petites filles dans la petite fille avec sa bicyclette à trois roues dans les corridors avec le son de ça. C'était absolument. Est-ce que tu te souviens All work and no play makes Jack a dull boy? Oui. Qu'il écrit inlassablement. Ben merci. En tout cas, ça a été un vrai bonheur de vous recevoir tous les trois. Renaud Miroine, Nathalie Petrossi, André Lavoie. Merci beaucoup. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Éric Saint-Pierre, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Ronald Georges, à la technique aujourd'hui Tania Gancheva. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.